C'est quoi une minute de silence? C'est la métaphore de une minute de silence, ça vient de la franc-maçonnerie. C'est en loge qu'ils font ça. Quand il y a un maçon qui crève, ils font une minute de silence. Ça a commencé de même, puis là, à cette heure, c'est pour nous toutes, puis n'importe quoi. À cette heure, c'est rendu dans le domaine public comme de quoi de normal. C'est ça, l'affaire de minutes de silence. Mais le silence, c'est un mensonge. Dans notre monde, il n'y a aucun silence. Dans le sens que, même dans l'espace, il y a des ondes, là. Il n'y a pas d'air qui transporte des sons, mais il y a des ondes, il y a des fréquences. C'est un mensonge, le silence. Tant qu'à moi, ça revient à ceux qui se mettent le doigt sur la bouche, là. C'est ce silence-là.